retourner dans des pays en guerre après avoir été otage, se glisser 6 mois dans la peau d'une femme de ménage. S'il existe un mythe du grand reporter, Florence Aubenas est un de ses visages. Ce n'est pas une femme d'intérieur, pour dire les choses. C'est ça qui me plaisait, c'était pouvoir être dehors, pouvoir aller se balader, pouvoir aller chez des gens, pouvoir circuler. À voix nue, Florence Aubenas, par Pauline Chanu, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. L'annonce la semaine dernière de la suppression de l'ENA a fait ressurgir les critiques contre une haute administration qui serait coupée de la société. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Les hauts fonctionnaires accusés de freiner les réformes et d'être inamovibles sont-ils devenus les boucs émissaires parfaits en temps de crise de la représentation politique ? C'est le thème du temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. Comment faire pour mesurer les distances dans l'espace ? C'est un problème bien plus complexe qu'il n'y paraît, notamment en l'absence de tout panneau de signalisation routière. Une technique assez simple passe par ce qu'on appelle la technique de l'ampoule. Vous prenez 2 ampoules de 50 watts, vous en éloignez une et rapprochez l'autre. La plus proche sera plus brillante que la plus lointaine. Et comme vous connaissez leur puissance intrinsèque, 50 watts, un simple calcul vous indiquera la distance qui sépare l'une de l'autre. Nos ampoules cosmiques ou chandelles standards s'appellent les céphéides, des étoiles particulières qui ont permis de mesurer les distances, de confirmer l'existence d'autres galaxies et de valider la théorie du Big Bang. Céphéides, ces étoiles qui tiennent la chandelle, c'est le programme lumineux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce que sont ces céphéides, comment elles servent à mesurer les distances cosmologiques et pourquoi elles sont donc appelées chandelles standards, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Kervella, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris, et nous sommes en ligne avec Nicolas Nardetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Mais on commence par celle qui fait briller chaque jour l'actualité scientifique de mille feux. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer avec notre sujet du jour, selon une étude parue dans The Lancet, le SARS-CoV-2 se propage principalement dans l'air. Enfin, une réponse à une controverse qui dure depuis un an. La question de la transmission du SARS-CoV-2. S'agit-il d'une transmission par aérosol ou par gouttelette ? Et selon la réponse, les mesures de protection ne sont pas tout à fait les mêmes. Si un virus se propage par de grosses gouttelettes respiratoires, on va privilégier le nettoyage régulier des mains et des surfaces, les barrières physiques comme les plexiglas, la distanciation physique et l'utilisation des masques. Mais si un virus est principalement en suspension dans l'air, Les efforts importeront plus sur les masques, bien sûr, mais surtout sur une amélioration de la ventilation et de la filtration de l'air dans les espaces clos. Et selon les auteurs de ce papier, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Alors pour cet article de synthèse, ces chercheurs britanniques se sont appuyés sur de nombreuses études de cas pour lesquelles la transmission par gouttelette ne fonctionne pas. Par exemple, on a vu dans des hôtels de quarantaine des personnes dans des chambres voisines être contaminées sans aucune possibilité de contact. Parmi les autres preuves avancées, il est cité que ce virus a été identifié dans des filtres à air des hôpitaux, des emplacements qui ne peuvent être atteints que par des aérosols et non par des gouttelettes. Évidemment, vous pouvez retrouver cette étude et les liens vers le journal de Lancet, la revue de Lancet, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans PNAS, il y a 12 000 ans, les espaces naturels intacts étaient presque aussi rares qu'aujourd'hui. Oui, la semaine dernière, dans ce journal, on apprenait que seuls 3% des écosystèmes mondiaux étaient encore intacts. Alors, ce que nous dit cette nouvelle étude, c'est que l'idée d'une nature sauvage est un mythe. Une équipe américaine a combiné des cartes mondiales des populations humaines et de l'utilisation des terres au cours des 12 000 dernières années. Il se trouve que les trois quarts des espaces terrestres sont influencés par l'activité humaine depuis des millénaires, y compris les espaces naturels considérés aujourd'hui comme sauvages, comme les forêts tropicales. Ces espaces portent une longue histoire avec des peuples autochtones, et selon ce papier, la crise actuelle de la biodiversité est principalement causée par une intensification de l'utilisation des terres. Selon une étude parue dans la revue Nature Geoscience, il serait possible de prédire les éruptions volcaniques quelques années en avance. Oui, on ne sait toujours pas anticiper quand l'un des 1500 volcans actifs de notre planète va entrer en éruption. Une équipe internationale vient de mettre au point une nouvelle technique d'alerte précoce. Les chercheurs ont examiné 16 ans de données satellitaires. Ils ont analysé le rayonnement infrarouge thermique de 5 volcans qui ont récemment explosé. Ils ont découvert que, quel que soit le type d'éruption, la température radiante des flancs d'un volcan augmente. Associés à d'autres méthodes d'observation, ces troubles thermiques peuvent être des indicateurs avant-coureurs. Et enfin, à 11 milliards de kilomètres de nous, la sonde New Horizons vient de prendre une photo de la sonde Voyager 1. Oui, Voyager 1, la légendaire et la première sonde qui a traversé l'espace interstellaire. La sonde New Horizons, quant à elle, continue de traverser le système solaire. Elle vient d'atteindre une borne kilométrique rare dans l'espace lointain. Elle est à 50 unités astronomiques du Soleil, au niveau de la ceinture de Kuiper. Et pour marquer cette étape, New Horizons a donc pris ce cliché. Alors, il ne faut pas s'attendre à une image spectaculaire. Voyager 1 est à peine visible, mais c'est la première fois qu'une sonde si éloignée photographie une sonde encore plus éloignée. New Horizons devrait rejoindre Voyager 1 dans l'espace interstellaire d'ici 2040. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain journal des sciences. Alors on va voyager un peu plus loin que New Horizons, même encore plus loin que Voyager 1. Nous allons nous intéresser aux céphéides tout au long de cette heure. Si la toute première d'entre elles a été identifiée à la fin du 18e siècle, c'est l'astronome amateur anglais John Goodrick, disparu précocement à l'âge de 22 ans, qui donna leur nom à cette classe d'étoiles en observant Delta Céphéi, la seconde quelques mois après la première. Et d'ailleurs, si vous êtes amateur de ciel nocturne, vous observez certainement régulièrement une céphéide lorsque vous regardez la petite ours et l'étoile polaire, qui est en fait un système de trois étoiles dont l'une d'entre elles est une céphéide. Mais que sont exactement ces céphéides dont vous entendez parler régulièrement dans nos émissions du mardi, comme des chandelles standards? Pourquoi sont-elles si importantes? Écoutez ce qu'en disait Evry Schatzmann. Nous sommes dans l'heure de la culture française en mai 1952. Imaginons que l'on observe dans une galaxie lointaine une étoile très faible, dont la période est de 100 jours par exemple. Cette étoile n'est faible qu'en raison de son éloignement, car elle est en réalité 4000 fois plus brillante que le Soleil. Supposons qu'elle ait été découverte à l'aide d'un instrument puissant et qu'elle soit apparemment de 21e magnitude. On en déduit aisément sa distance, qui est de 3 millions d'années-lumière. Ainsi, les céphéides servent de bornes pour jalonner les distances astronomiques. Elles permettent de savoir où se trouvent dans l'espace des amas d'étoiles éloignées. Elles ont permis non seulement l'exploration de notre galaxie, mais aussi l'étude des nébuleuses extragalactiques relativement proches. Les étoiles variables ont donc servi à sonder l'univers. Voilà Evry Schatzmann qui définit les céphéides en 1952, qui sont un peu comme des panneaux de signalisation de l'espace. C'est ça, Philippe Kervella? Oui, tout à fait. Pierre Kervella, décidément. Pierre, excusez-moi. Oui, tout à fait. Alors les céphéides, ce sont des objets extrêmement importants parce qu'on peut connaître leur distance simplement en les regardant varier de luminosité. Et donc ça, c'est une propriété exceptionnelle hein, qui les rend extrêmement importantes pour déterminer les distances des objets dans lesquels elles se trouvent, et notamment des galaxies lointaines. Nicolas Nardetto, une réaction, un commentaire à cette description qu'en fait Evry Schatzmann en 1952? Je suis d'accord, les céphéides, c'est, pour moi, c'est la clé des cieux, hein, c'est ce qui nous a permis de changer notre représentation des distances dans l'univers. Et quand on retrace un petit peu l'histoire des distances dans l'univers, on se rend compte que les céphéides ont joué un rôle extrêmement important par rapport à ça. Vous dites même, Nicolas Nardetto, que les céphéides ont changé notre vision de l'univers. Comment est-ce que vous expliquez cela? Disons que faut comprendre qu'à l'époque des Grecs, il y a 2000 ans, Les Grecs nous ont donné une représentation de la distance entre la Terre et le Soleil. On a Aristote qui va montrer que la Terre est ronde en regardant l'ombre projetée de la Terre sur la Lune. On a Ératosthène qui va mesurer la circonférence de la Terre. Et Aristarque de Samos qui va, en regardant le premier quartier de Lune, il va mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Mais après, il faut attendre 1500 ans pour avancer sur cette question-là. Et c'est avec les observations de Tycho Brahe, qui est un grand observateur et qui va observer la position des planètes dans le ciel. Et c'est à partir de ces observations-là que Kepler va mettre en place ses lois de Kepler. Et ce qui est génial avec les lois de Kepler, c'est que dès qu'on a la distance entre la Terre et le Soleil, on a la distance de toutes les autres planètes. Mais à cette époque-là, à la Renaissance, on a vraiment une notion des distances dans le système solaire, mais pour les étoiles, on est encore dans cette idée que les étoiles sont sur ce qu'on appelle la sphère des fixes. Mmh. Elles sont très loin, à une distance, toutes à la même distance. Et c'est ensuite Bessel, en 1838, qui va mesurer la première distance d'étoiles grâce à la méthode de l'appareillage trigonométrique. Je pense qu'on en y reviendra. On va en reparler, oui, bien sûr. Et c'est ensuite les céphéides, on va en parler, mais qui vont. On va comprendre grâce aux céphéides que l'univers ne se réduit pas à la Voie lactée, qu'il est beaucoup plus grand que ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va évidemment parler de ces chandelles standards et du rôle essentiel que les céphéides ont pour permettre de mesurer les distances cosmologiques, mais Pierre Kervella, les céphéides ont aussi permis de se rendre compte qu'il y avait d'autres galaxies dans notre univers, que la Voie lactée n'était pas la seule, et elles ont aussi, d'une certaine manière, je le disais tout à l'heure, permis de donner une forme de première confirmation théorique de l'existence, enfin en tout cas de la validité de la théorie du Big Bang. Alors oui, effectivement. Alors pourquoi les céphéides sont extrêmement célèbres? Parce que elles ont servi à démontrer que les nébuleuses qu'on observait dans le ciel au 18, au 19e siècle ne se trouvent pas à une distance faible, ne se trouvent pas dans notre propre galaxie, mais se trouvent extrêmement loin. Et effectivement, cette découverte qu'il existe des objets qui sont beaucoup plus éloignés que toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu, et même avec les télescopes habituels, c'est quelque chose qui a agrandi l'univers d'une façon extraordinaire. Et effectivement, cette découverte donc de la très grande distance des galaxies va également aboutir à la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble. Et cette découverte s'appuie essentiellement sur les céphéides et leurs propriétés de mesure de distance. On va revenir au début de cette histoire, au début de ces observations, et on va comprendre comment, déjà, ce que c'est exactement qu'une céphéide, pourquoi on appelle ça des céphéides, et pourquoi ce sont ces outils aussi importants en astronomie et en cosmologie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc des céphéides en compagnie de Pierre Kervella et de Nicolas Nardetto. Peut-être donc un mot sur la découverte des céphéides. On retient John Goodrich parce que c'est lui qui a nommé Delta Céphéi, mais la toute première en fait a été observée quelques mois plus tôt par un certain Edward Pigott. Nicolas Nardetto. C'est ça. C'est-à-dire que John Goodrich et Edward Pigott se connaissait, et je crois que le père d'Edward Pigott avait construit un observatoire privé à York, et donc ils avaient listé des étoiles à observer, et donc Edward Pigott a observé l'état actuel, donc qui est donc une céphéide, et John Goodrich, quelques mois après, observe Delta Céphée, qui va donner son nom à cette classe d'étoiles, probablement parce qu'elle est un peu plus, elle est 5 centièmes de magnitude plus brillante. Et comme vous disiez, John Goodrich n'a pas eu une vie très facile parce que du coup, à un an, il était sourd et à 22 ans, il est décédé d'une pneumonie probablement du fait des observations. Et il a même été élu membre de la Royal Society Et en fait, il a jamais su parce qu'il est décédé 4 jours avant que la lettre lui parvienne. Donc, on peut lui rendre hommage ici. Il a observé une classe d'étoiles très importante. Mmh. Et il a même, si je peux finir, il a même aussi détecté Algol, qui est une binaire éclipse. Et on en reparlera peut-être, mais qui est aussi un indicateur distance extrêmement important. Mmh. Mais il faut du temps. C'est-à-dire que il y a ces étoiles qui sont identifiées, mais on ne comprend pas, en tout cas, ni Pigott ni Goodrick ne comprend exactement de quoi il retourne, quel type d'étoile il s'agit. Elles sont juste pointées dans le ciel comme des objets lumineux à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les céphéides, ce sont d'abord des étoiles variables. Ce sont des étoiles qu'on observe et qu'on voit changer de luminosité apparente. C'est ce qui a été observé, par exemple, par Goodrick. Mais effectivement, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas le fonctionnement physique de ces étoiles. Ils ne savent pas non plus encore quels sont des outils extraordinaires pour mesurer des distances. Ils constatent qu'elles changent de lumière d'un jour à l'autre. Et grâce à leurs observations. Alors qu'est-ce que c'est, expliquez-nous, Pierre Carvela, exactement qu'une céphéide, qu'est-ce que ça a de particulier ? Une céphéide, c'est une étoile. C'est une étoile qui est d'une masse typiquement entre 3 fois la masse de notre Soleil et une 15aine de fois la masse du Soleil. Donc c'est une étoile qui est plus grosse, plus massive que le Soleil. Et c'est surtout une étoile qui est dans une phase de son évolution où elle est devenue extraordinairement grande. Les céphéides, elles ont des tailles physiques qui s'échelonnent entre 50aine de fois la taille du Soleil et à peu près 300 fois la taille du Soleil en rayon. Donc ce sont des objets extrêmement grands. Et le résultat de cette très grande taille, c'est qu'elles sont également très brillantes. Et c'est un grand avantage parce que ça permet de les voir extrêmement loin, de les voir dans d'autres galaxies. Voilà, donc ce sont des étoiles comme le Soleil, mais beaucoup plus grandes et beaucoup plus brillantes. Nicolas Nardetto, pour compléter cette carte d'identité, ça veut dire que, est-ce que ce sont des étoiles courantes dans ce que l'on peut observer ? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle céphéide, la phase d'une étoile dans sa vie ? Ou est-ce qu'une étoile devient céphéide, puis, ou est céphéide toute sa vie ? Essayez de compléter un peu ce portrait de Pierre Carvela. Bon, par exemple, le Soleil ne deviendra pas une céphéide parce qu'il n'est pas assez massif pour ça, et il deviendra une géante rouge dans 3,5 milliards d'années. Une céphéide, comme le disait Pierre, doit être plus massive, à peu près 4 fois la masse du Soleil au moins. Et effectivement, Delta Céphée, par exemple, si on revient sur le prototype, au début de sa vie, était une étoile plus chaude, plus bleue. Et c'est ensuite, lorsqu'elle va évoluer, qu'elle va passer dans ce qu'on appelle une bande d'instabilité. Donc, elle va avoir des propriétés particulières qui vont faire qu'elle va pulser. Mmh. Et donc, toutes les étoiles entre 5 et 20 masses solaires, peut-être plus, vont à un moment donné de leur vie pulser. Mais ce passage dans la bande d'instabilité est bien plus court que l'âge de l'étoile. C'est-à-dire que c'est peut-être 10 millions d'années. Et donc, c'est bien plus difficile de détecter des céphéides que des étoiles standards. Mais pour autant, il y en a beaucoup dans notre Voie lactée. On estime qu'il y en a plusieurs milliers. On va revenir sur cette bande d'instabilité, mais je vous propose qu'on reste encore un petit peu. Il y en a donc aujourd'hui, on les détecte assez facilement. Effectivement, elles sont relativement fréquentes. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, est-ce qu'on sait décrire exactement ce qu'est cette pulsation ? Puisque quand on les observe, on voit effectivement la lumière varier d'un certain ordre de grandeur. On vous a d'ailleurs publié un graphique qui explique ça très très bien sur notre fil Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces étoiles-là ont une luminosité variable ? Oui, alors les céphéides, ce sont des étoiles pulsantes. Ce sont des étoiles qui gonflent et qui se dégonflent périodiquement, avec une période qui est relativement stable. Cette période s'échelonne de quelques jours à environ 1 mois ou 2 mois. Cette oscillation, c'est une oscillation un peu comme le pendule d'une horloge, hein, comme le balancier d'une horloge. Simplement, elle gonfle parce qu'elles sont chaudes, hein, parce qu'elles produisent de l'énergie, donc qui chauffent le gaz, donc elles gonflent, et puis à un moment, elle expulse l'énergie et elle refroidit, et donc elle se contracte à nouveau. Donc c'est un phénomène oscillatoire, la variation d'une céphéide. Et cette oscillation, elle est entretenue par un mécanisme particulier qui se produit à l'intérieur de l'étoile. Un mécanisme qu'on peut rapprocher d'une soupape, en fait. Mmh. C'est une soupape qui va contrôler le flux d'énergie produit par l'étoile. L'étoile réalise de la fusion nucléaire en son cœur. Et puis donc cette énergie s'évacue vers l'extérieur de l'étoile. Et ce mécanisme de soupape, il va simplement retenir un petit peu cette énergie, le temps de faire gonfler l'étoile, et puis la soupape va s'ouvrir, l'énergie va repartir, l'étoile va se refroidir et se redégonfler. Donc on a cet entretien de l'oscillation par ce mécanisme de soupape qu'on appelle le kappa mécanisme. Mmh. Pourquoi kappa ? Parce que c'est le symbole de l'opacité. C'est dû à l'opacité du gaz de l'étoile qui bloque plus ou moins le rayonnement. Mmh. Et ce va-et-vient, non seulement il est extrêmement régulier, et il est provoqué par un jeu entre la transformation de l'hydrogène et de l'hélium. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez, l'étoile produit de l'énergie au centre par fusion, et puis ensuite, donc, l'énergie traverse toutes les couches internes de l'étoile. Et à l'intérieur de l'étoile, il y a une couche d'hélium, une couche qui contient des atomes d'hélium ionisés. Et c'est cette couche-là qui joue le rôle de soupape, en fait. Hein. Et c'est plus exactement, c'est l'opacité, c'est la résistance de ces atomes d'hélium au passage de la lumière qui va créer l'entraînement nécessaire à l'oscillation de l'étoile. Et qu'est-ce qui explique, Nicolas Nardetto, par exemple, que ce type de phénomène ne se produise pas dans notre Soleil, qui consomme lui aussi et transforme, comme à peu près toutes les étoiles d'ailleurs, de l'hydrogène et de l'hélium ? Disons que c'est vraiment, je reviens sur ce que disait Pierre, c'est des conditions physico-chimiques dans l'atmosphère de l'étoile qui vont favoriser cette zone d'opacité, d'ionisation. Le Soleil, lui, ne peut pas avoir cette zone-là parce que les températures dans l'atmosphère, dans la structure, ne correspondent pas à l'énergie nécessaire pour ioniser l'hélium. Donc pour la céphéide, comme le disait Pierre, il y a cette couche d'opacité, au moment où la céphéide vraiment se contracte, va capter de l'énergie et va créer une dépression qui va faire que la céphéide va se contracter encore un peu plus que s'il n'y avait pas cette couche d'opacité. Mmh. Puis ensuite, c'est comme un ressort, il y a de la pression, la céphéide va reprendre sa position naturelle. Elle va repartir à l'expansion, et avant d'arriver à l'expansion maximum, l'énergie va être qui est contenue dans cette couche d'opacité va être restituée, et donc elle va gonfler un petit peu plus. Et comme le disait Pierre, c'est un peu comme un pendule sur lequel on tape régulièrement pour que l'oscillation soit entretenue. Ou alors quand on pousse un enfant sur une balançoire au moment exact où une petite pichenette permet d'entretenir l'oscillation. Mmh. Là, la pichenette, c'est la couche de ionisation. Pierre Kervella. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on pourrait imaginer une expérience de pensée où on ferait osciller le Soleil, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de compresser le Soleil et de le relâcher, et il se mettrait à osciller. Simplement, en l'absence de ce mécanisme d'excitation particulier aux céphéides, l'oscillation s'amortirait et disparaîtrait en quelques cycles, alors que pour les céphéides, elle perdure pendant des millions d'années. Donc, c'est grâce à cela. Nicolas Nardetto parlait aussi de quelque chose d'intéressant par rapport à un diagramme que je vais vous laisser décrire, c'est la bande d'instabilité. Qu'est-ce que c'est que cette bande d'instabilité précisément, et pourquoi ça nous intéresse tout particulièrement pour les céphéides ? Eh bien, en fait, la bande d'instabilité, c'est la zone d'un diagramme qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est un diagramme qui est très important en physique des étoiles, en physique stellaire. On va vous poster, bien sûr, sur le fil Twitter, comme d'habitude. Très bien. Donc, dans ce diagramme, on a en abscisse, dans l'axe horizontal, la température de l'étoile, et dans l'axe vertical, sa luminosité. Donc, la température ou la couleur, en axe horizontal. Et dans ce diagramme-là, en fait, il y a effectivement une zone qui prend la forme d'une diagonale, un petit peu, une zone diagonale, qui correspond au domaine de couleur et de luminosité des étoiles dans lequel on a cette couche d'hélium ionisé présente à l'intérieur de l'étoile. Donc c'est la zone où l'excitation de l'oscillation peut se produire. Voilà. Et c'est une zone qui est très bien définie. Et dans cette zone, les étoiles oscillent. En dehors de cette zone, on a aussi des étoiles qui oscillent, mais c'est beaucoup moins courant. Mm-hmm. Voilà. Un mot peut-être sur cette bande d'instabilité, ce diagramme de Hirschsprung-Russell, Nicolas Nardetto. Oui, on pourrait raconter rapidement. Enfin, l'évolution de Delta 7, par exemple, quand elle est née, elle était bleue, par exemple. Elle brûlait son hydrogène en hélium au cœur, mm-hmm. comme le fait le Soleil. Pendant longtemps. Puis quand cet hydrogène commence à manquer dans le cœur de l'étoile, l'étoile va commencer à brûler l'hydrogène en couche, donc à la périphérie du cœur. Et quand elle va faire ça, l'étoile va commencer à refroidir lentement, sa luminosité va diminuer un tout petit peu, ce qui fait qu'elle va se déplacer dans le diagramme Asher. Dans notre jargon, on appelle ça le diagramme Asher. Hirschsprung-Russell, celui dont on parle à l'instant. Hirschsprung-Russell, c'est ça. Et donc, elle va se déplacer vers la droite. Et à un moment donné, quand elle va arriver dans la bande d'instabilité, comme on a expliqué avant, le mécanisme d'oscillation va se mettre en place. Elle va donc commencer à pulser. Et puis, quand elle va arriver sur le bord rouge de cette bande d'instabilité, il va se produire un autre effet, c'est que va apparaître de la convection. La convection, c'est des mouvements de matière ascendant et descendant dans l'atmosphère de l'étoile. Si vous avez déjà vu donc une image du Soleil, on voit de la granulation à la surface, donc c'est exactement le même principe. Et cette convection va casser le mécanisme d'opacité dont on parlait tout à l'heure, et la céphéide va arrêter de pulser. Mmh. Et donc ça, c'est le premier passage dans la bande d'instabilité. Et ensuite, elle va faire ce qu'on appelle le flash de l'hélium. Donc elle va, d'un seul coup, elle va se mettre à brûler l'hélium au cœur et le transformer en carbone. À ce moment-là, elle va se remettre à chauffer et elle va repartir vers la gauche dans le diagramme. Elle va passer une deuxième fois dans la bande d'instabilité. Puis ensuite, elle en ressort. Et à ce moment-là, elle brûle l'hélium en couche, en carbone. Elle le transforme en carbone. Et elle repasse à droite, une troisième fois dans la bande d'instabilité. Puis elle continue sa vie sur la branche asymptotique des géants. Mmh. Et ce qui est intéressant pour finir, c'est que le premier passage est plutôt rapide. Et vous parliez tout à l'heure de l'étoile polaire. A priori, on pense que l'étoile polaire est dans ce premier passage, et même qu'elle sortirait de la bande d'instabilité, c'est-à-dire qu'elle arrête de pulser, parce que la pulsation est erratique et que les amplitudes sont très faibles. Mmh. Et en revanche, le deuxième et troisième passage sont beaucoup plus longs, et c'est souvent là qu'on détecte beaucoup de céphéides. Mmh. On vient de vous poster le diagramme qui aide à comprendre et qui accompagne un peu visuellement ce que vous venez de décrire, Nicolas Nardetto. Tout ça, peut-être aussi encore une chose pour compléter cette grande carte d'identité que nous sommes en train de faire des céphéides, Pierre Kervella, c'est qu'il y a deux types où on a pensé pendant longtemps, et d'ailleurs ça a faussé un certain nombre de calculs, on va en venir aux calculs de distance, mais il y a bien deux types de céphéides, des types 1 et des types 2. Oui, absolument. Il y a deux types de céphéides et elles sont physiquement très différentes. Enfin, dans leur propriété d'étoile, elles sont très différentes. Il y a les céphéides qu'on appelle classiques, les céphéides de type 1. Donc, ce sont celles qui ont été découvertes par Goodrich. Ce sont des étoiles supergéantes, des très grands objets très brillants avec des pulsations de l'ordre d'une semaine ou de quelques semaines en période. Et puis, il y a une autre classe de céphéides qui ont des courbes de lumière qui sont très similaires, mais ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus faibles en termes de masse et également en termes de luminosité intrinsèque. Ce sont des étoiles qui ont à peu près la masse du Soleil ou un petit peu moins et qui ont des courbes de lumière, c'est-à-dire qui ressemblent vraiment aux céphéides classiques. C'est-à-dire que dans le ciel, on ne peut pas vraiment facilement voir la différence. On les voit varier à peu près de la même façon. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup moins brillantes intrinsèquement. Et donc, si on suppose que ce sont des céphéides de type 1, des classiques, eh bien, on se trompe sur la distance de ces étoiles. Et c'est ce qui est arrivé au début de l'utilisation des céphéides comme étalons de distance. On ne savait pas qu'il y avait cette distinction. Donc, on a mélangé des céphéides de type 1 et de type 2, et on a trouvé des distances trop petites au final, puisqu'on mélangeait deux indicateurs qui n'étaient pas cohérents entre eux. On va en arriver à ces calculs, notamment aux travaux d'Henrietta Leavitt. Vous allez voir comment cet astronome a permis justement de commencer à déterminer ce qu'allait être cet étalon de distance, à faire ce qui allait devenir et ce que nous allions appeler des chandelles standards. On en parle dans un instant. débile. On comprend tout ce que tu es habile. Il y a des gens autour de toi. S'ils s'écroulent, tu les relèveras pas. T'as déjà récité la voix off de leur existence sans étoffe. Les lundis soirs mutiques, la vérité sort dans l'air en plastique. La sottise partout quand tu sors. Tu me dis que c'est ça ton décor. Alors écrase-moi comme eux. Parce que toi tu vaux beaucoup mieux. Si ça tenait qu'à toi. Si ça tenait qu'à toi. Hémisphère de Rémi Parson à 16h30 sur France Culture. Nous parlons des céphéides tout au long de cette heure en compagnie de Pierre Kervella, qui est astronome au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, et Nicolas Nardetto, qui est astronome chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. On vient de le dire, hein, il y a pu avoir des biais observationnels du fait qu'on ne faisait pas encore la différence entre les céphéides de type 1 et les céphéides de type 2. Tout n'est pas complètement fini, puisque l'un des problèmes résiduels, c'est que ces céphéides peuvent être entourés d'un nuage de gaz et de poussière qui ont des conséquences sur les mesures effectuées, et c'est ce à quoi vous êtes intéressé aujourd'hui dans votre reportage. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et pour parler de ces nuages circumstellaires, je me suis entretenu avec Vincent Ogdé, qui est post-doctorant au Centre astronomique Nicolas Copernic à Varsovie. Après une thèse réalisée à l'Observatoire de la Côte d'Azur, Vincent Ogdé poursuit son travail de recherche en Pologne sur ces nuages de gaz et de poussière qui entourent les céphéides avec plusieurs axes. Tout d'abord, il tente de comprendre les causes de la formation de ces nuages. Et ensuite, Vincent Ogdé essaie de déterminer les conséquences de la présence de ces enveloppes nuageuses sur la lumière émise par les céphéides afin de déterminer s'il peut y avoir ou non des biais observationnels. Ces enveloppes, ces nuages, ont été découvertes il y a une quinzaine d'années par des collègues français autour de certaines céphéides et principalement en utilisant l'interférométrie. Donc l'interférométrie, c'est une technique d'observation qui va utiliser plusieurs télescopes simultanément. Donc ces télescopes, en fait, observent en même temps la même source. Et il y a un instrument qui permet ensuite de recombiner la lumière reçue par ces quatre télescopes pour les faire interférer. Et l'information que l'on reçoit de ces observations donne une information donc sur la taille des environnements observés. Donc c'est une technique qui offre une très grande résolution spatiale. Et c'est à peu près équivalent pour le télescope du VLTI de Paranal au Chili à environ donc quelques milliards de secondes, ce qui correspond à peu près à un petit pois observé à 1000 km. Donc c'est un instrument qui est idéal pour observer des environnements très petits comme les enveloppes circumstellaires autour de ces étoiles. Enfin, c'est vrai que l'interférométrie, c'est vraiment la technique phare pour observer ces enveloppes, mais on peut utiliser également la spectroscopie qui permet en fait de diffracter la lumière, donc finalement de faire passer la lumière à travers un prisme pour la décomposer, en voir son arc-en-ciel, mais ici pas dans le domaine visible, mais dans le domaine infrarouge, ce qui permet de voir en fait des signatures spectrales de poussière ou de gaz qui orientent en fait un modèle physique ou un autre en fonction de cette lumière reçue. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces nuages? Est-ce qu'on a une idée de pourquoi ils se sont formés et comment ils se sont formés? À l'heure actuelle, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Néanmoins, on imagine que ces étoiles, du fait de leur pulsation, eh bien, soient capables d'éjecter de la matière, donc de perdre de la masse en fait, au fil du temps, ce qui pourrait être donc à l'origine de ces enveloppes circumstellaires. Est-ce qu'on a une idée de la constitution de ces nuages? Quelle forme ils ont? Est-ce que vous pourriez nous en dresser un portrait à la fois chimique, mais aussi physique? C'est une bonne question et c'est ce qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est quelle est exactement leur composition, leur taille, leur géométrie et de quelle manière ces environnements vont influencer la lumière des céphéides puisqu'elle passe au travers de ce nuage. En général, autour des étoiles, on s'attend à deux grands types de compositions. Ça peut être ou bien des nuages de gaz, ou bien des nuages de poussière, ou alors les deux en même temps, en fait. Sauf que dans le cas, par exemple, d'une enveloppe de poussière, il faut que l'environnement soit assez froid pour permettre aux grains de poussière de se condenser, de se former autour des étoiles. Tandis que si c'est du gaz, eh bien, on peut imaginer que ce soit un nuage qui est plus proche de ces étoiles-là et chaud, là où la poussière ne pourrait pas se former. Quel effet ont ces nuages qui entourent les céphéides sur la lumière émise par ces étoiles? Alors, on peut imaginer deux grands effets possibles. Ou bien ces nuages vont pouvoir obscurcir en fait la lumière de ces étoiles, ou alors ces nuages vont émettre leur propre lumière, et donc on va voir les céphéides un petit peu plus brillantes qu'elles ne le sont réellement. Ces deux effets peuvent aussi se combiner en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'on est en train d'observer. Par exemple, dans le domaine visible, eh bien, on s'attend, par exemple, pour un environnement de poussière, à ce que la céphéide soit obscurcie. Et si elle est obscurcie, eh bien, l'étoile va nous paraître moins brillante et plus éloignée qu'elle ne l'est réellement. Dans le cas du gaz, par exemple, s'il y a du gaz chaud qui entoure cette étoile, eh bien, il pourra émettre de la lumière et à ce moment-là, les céphéides vont paraître plus brillantes. Du coup, on peut avoir un biais dans l'observation de ces céphéides et ça pourrait avoir des conséquences, notamment dans les mesures sur lesquelles on se repose pour mesurer les distances dans l'univers grâce aux céphéides. Exactement. Cet effet aujourd'hui, il est encore difficile à quantifier. Il faut davantage d'observations, il faut pouvoir affiner les modèles pour être capable de prédire en fait quel type de nuages on va retrouver autour de quel type de céphéides. Et également, est-ce qu'on a des enveloppes autour de toutes les céphéides? Ça, c'est aussi une question très importante. Et cette luminosité, enfin la façon dont le nuage va modifier la lumière de l'étoile, va effectivement influencer sur le calcul de ces distances, mais ça peut influencer de plusieurs manières différentes. En fait, on peut, sur un échantillon d'étoiles donné, on peut s'imaginer une dispersion en fait autour de la relation période-luminosité, donc juste un effet donc d'incertitude globale sur la luminosité observée. Ou alors, il peut y avoir également un effet systématique, donc c'est-à-dire si pour une raison ou pour une autre il y a des céphéides qui possèdent des enveloppes et d'autres pas du tout, eh bien, ça va engendrer vraiment un biais, une erreur systématique, et ça peut avoir des conséquences assez importantes sur l'évaluation de la vitesse d'expansion. Quelles conséquences ça pourrait avoir? Ça voudrait dire que la vitesse d'expansion est plus rapide, plus lente? Alors voilà, ça peut ou bien, on peut imaginer ou bien une augmentation de cette valeur de vitesse d'expansion ou une diminution. Et bien sûr, ce que l'on regarde, c'est de quelle manière cette vitesse d'expansion calculée va se rapprocher ou s'éloigner de la vitesse d'expansion calculée à partir du fond diffus cosmologique, qui est un petit peu plus petite que celle qui est mesurée dans la méthode de l'échelle des distances extragalactiques. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas aujourd'hui prédire exactement l'effet de ces enveloppes sur cette vitesse. Voilà ce reportage à propos de ces nuages de gaz et de poussière qui peuvent eh bien obstruer la vision et l'observation des céphéides. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Carvella? Oui, alors c'est vrai que c'est une propriété relativement nouvelle hein, des céphéides, le fait qu'on ait mesuré, qu'on ait détecté la présence d'enveloppes qui entourent les céphéides. Jusqu'alors, on pensait que c'était des étoiles plutôt simples, plutôt plutôt facile à appréhender et qu'on comprenait bien. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on ne comprend encore pas très bien, et les enveloppes en font partie. Et c'est vraiment important, comme le disait mon collègue Vincent Oglet, de travailler sur la compréhension physique de ces étoiles pour pouvoir les utiliser de manière fiable comme étalon de distance. Nicolas Radetto. Je précise que Vincent a donc été mon doctorant, hein, qui est maintenant en post-doctorat en Pologne. Donc je suis très content qu'il ait pu expliquer toutes ses recherches. Et effectivement, ces résultats sont remarquables à différents niveaux. Hein. C'est que du coup, il a utilisé c'est un des premiers résultats de l'instrument Matisse, donc un interféromètre qui est situé au VLTI. Donc ça, c'était vraiment un beau travail. Et puis montrer que autour de L-caréné, donc une céphide de longue période, a priori il n'y aurait pas de poussière, mais pour autant il y a quand même une enveloppe qui serait constituée de gaz ionisé. Et Vincent a proposé un excellent modèle pour expliquer ses observations, même s'il peut être encore amélioré. Et comme il le dit très bien, on fait une hypothèse très importante quand on détermine l'expansion de l'univers, c'est qu'on on pense que toutes les céphides dans l'univers sont identiques. Oui. Donc s'il arrivait que, par exemple, on observe des enveloppes autour des céphides qui sont proches de nous, mais qu'en vérité, il n'y en ait pas autour des céphides qui se trouvent à 100 millions d'années-lumière, on pourrait effectivement se tromper sur leur luminosité, et ça pourrait expliquer en partie la tension qui existe sur la constante de Bœuf. On va y revenir justement, c'est très intéressant, et j'en profite pour saluer Éric Lagadec qui connaît aussi Vincent Ogbé et qui lui a envoyé un petit mot tout à fait sympathique sur Twitter. Éric Lagadec qui est le président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Ceci étant dit, justement, revenons à ces calculs et à ces chandelles standards, si vous le voulez bien, l'un et l'autre, et aux travaux d'Henrietta Leavitt, qui était, ça n'est pas rien de le noter, une femme astronome à la fin du 19e siècle. Quels sont ses apports exactement, Pierre Kervella ? Eh bien, Henrietta Leavitt, c'est la personne qui a découvert la méthode, qui a découvert la propriété remarquable des céphéides, qui est d'avoir une période proportionnelle à leur luminosité intrinsèque, une période de variation lumineuse. Donc, cette découverte qui est empirique, hein, qui est basée sur l'observation, c'est elle qui a ouvert la porte à l'utilisation des céphéides comme indicateur de distance. Et donc elle a obtenu elle a découvert cette relation particulière période luminosité en observant un grand échantillon d'étoiles céphéides situées dans les nuages de Magellan, et notamment dans le grand nuage de Magellan. Et c'est vraiment une contribution exceptionnelle à l'astronomie, dont on mesure aujourd'hui l'importance fondatrice pour l'ensemble de la cosmologie. Oui. Alors justement, comment en est-elle arrivée à ces conclusions ? Parce que peut-être qu'il faut repartir un peu de ce que je racontais au tout début de l'émission. Comment est-ce qu'on peut finalement calculer une distance dans l'espace en absence de marqueurs précis en utilisant juste la luminosité ? Et j'utilisais cet exemple des ampoules. Peut-être qu'on peut repartir de ça pour bien comprendre comment les céphéides d'un seul coup vont être d'une aide très très importante pour mesurer précisément cette distance. Pierre Kervella. Alors, c'est assez simple, je pense, à expliquer. Nous avons des ampoules dont vous parliez au départ de 50 watts, mais on imagine qu'on a une céphéide de 50 watts. Eh bien, on connaît cette puissance grâce à sa période de variation. Donc, mesurer sa période de variation, c'est très facile. On prend un télescope, on la regarde pendant un mois, et on a la période, et on connaît exactement cette période. Si on a la clé, justement, qui est cette relation entre la période et la luminosité, on peut savoir exactement la puissance émise par cette céphéide. Et puis, on la compare simplement à la puissance que nous, on reçoit à la Terre. On fait le rapport des deux, et ce rapport nous donne directement la distance de la céphéide. Alors, c'est cette propriété, c'est simplement grâce à l'observation de photométrie, c'est-à-dire mesurer juste la courbe de lumière de l'étoile, pour avoir sa luminosité intrinsèque et donc sa distance, qui est magique d'une certaine façon. Mais justement, alors Nicolas Nardetto, ça veut dire que bien sûr que toutes les céphéides n'ont pas la même luminosité intrinsèque, mais normalement, selon cette loi qui a été établie par Henrietta Leavitt, si on observe justement sa période, eh bien on a systématiquement accès à sa luminosité intrinsèque et donc du coup de facto à sa distance. Ça marche systématiquement pour toutes les céphéides sans jamais d'erreur. Le principe... Normalement oui. Normalement oui, comme l'a expliqué Pierre. Vous regardez une étoile dans le ciel, une céphéide, vous avez une variation d'éclat, vous mesurez précisément le temps entre les deux éclats maximum, enfin où elle est le plus brillante. Vous avez cette période qui est précise, hein, par exemple pour Delta Céphée, c'est 5 jours, 8 heures, 38 minutes et 24 secondes je crois, donc c'est à la seconde près. Et si on a cette période, eh ben, grâce à cet outil qui est formidable, qui est la relation période-luminosité, je répète ce qui a été dit, mais on a la quantité de watts émise par la céphéide, et donc on a, comme l'a expliqué Pierre, on peut avoir sa distance. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est pas mélanger les objets, il faut pas mélanger les populations 1 et les populations 2. Déjà. Et puis, il faut faire attention qu'on peut avoir une enveloppe qui va biaiser l'éclat, justement. Mmh. Et même dans les galaxies lointaines, il y a tellement d'étoiles dans les étoiles, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le crowding, mais c'est en gros les étoiles se recouvrent. On a du mal à un peu séparer la céphéide dans ce nuage de points, ce fond en fait. Mais bon, mais ça marche. Néanmoins, il manquait tout de même un élément important, c'est celui du calibrage. C'est-à-dire qu'il faut tout de même qu'on ait une première distance pour pouvoir calibrer toutes les autres. Or ça, ce sont des travaux qui ont été retirés à Henrietta Leavitt. Ce n'est pas elle qui les a menés, ces travaux de calibrage. Alors oui, c'est-à-dire qu'Henrietta Leavitt a fait cette découverte de la relation période-luminosité en observant des céphéides donc dans une galaxie satellite de la nôtre, qui c'est le Grand Nuage de Magellan. Toutes les céphéides de cette petite galaxie sont situées à peu près à la même distance de nous, donc elle a pu observer qu'il y avait cette relation entre la période et la luminosité parce qu'elles sont toutes à la même distance. Maintenant, on ne connaît pas la distance à son époque, on ne connaît pas la distance du nuage de Magellan, du grand nuage de Magellan avec une précision suffisante. Donc on ne sait pas quelle est la luminosité absolue des étoiles en question. On sait qu'il y a une relation, on connaît cette loi qui est relativement claire, même sur les données de Leavitt. Mais par contre, il manque effectivement l'étalonnage absolu et qui demande de connaître la distance d'un certain nombre de céphéides d'une autre manière qu'avec la relation période-luminosité. Et alors comment est-ce qu'on a réussi à obtenir cette distance, Nicolas Nardetto, et avec quelle méthode ? Alors au tout début, c'était très très compliqué. C'est Hertzsprung qui va utiliser une méthode un petit peu compliquée qui s'appelle la parallaxe statistique. Il observe des groupements d'étoiles et puis imaginons qu'on ait un groupe d'étoiles qui se déplace dans l'espace. Donc il n'y a pas de contraction, d'expansion de ce groupement d'étoiles. Elles sont toutes en parallèle, ont un mouvement parallèle. Mais de manière apparente, elle s'éloigne vers un point de fuite. C'est un peu comme quand on regarde les voiles d'un chemin de fer. Hein, ça se rejoint à l'horizon. Ou une route, là, une route avec des arbres. Une route avec des arbres, ça marche pas mal comme image. C'est ça. Donc on a un groupement d'étoiles. Et on voit qu'elles vont toutes dans la même direction. Et ça nous donne l'information de distance. Mais ça, c'est plus une technique qu'on utilise actuellement. Hertzsprung a utilisé cette technique à l'époque. Et après, il s'en est suivi. Chapelet a utilisé cette calibration pour déterminer la distance des amas globulaires. Donc, je reviens un petit peu sur cette idée de changement de paradigme par rapport aux céphéides. C'est Chapelet à cette époque-là. Il détermine la distance des amas globulaires, qui sont des groupements d'étoiles dans lesquels on a des céphéides de population 2. Il va utiliser une relation qui est elle-même étalonnée sur des céphéides de population 2, parce qu'il savait, on n'a pas fait encore la distinction. Et ce qu'il va trouver est remarquable. Il va s'apercevoir que ces amas globulaires, ils sont tous situés dans une portion du ciel. Ils ne sont pas distribués de manière homogène autour de nous. Et ça va lui donner l'indication que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Et pour l'époque, l'humanité aime bien penser qu'elle est au centre de tout, mais là, ça a été un choc, on était dans la banlieue de l'univers. Et c'est après qu'il y a un débat qui va intervenir à ce moment-là entre Chapelet et Curtis, C'est-à-dire que il y avait Kant en 1755 qui avait dit « Moi, je pense qu'il y aurait d'autres univers île dans l'univers. Nous, on serait dans notre univers île qui est la Voie lactée et il y aurait d'autres univers île, d'autres galaxies. » Et il avait une intuition formidable, mais on pouvait pas le montrer. Et c'est donc on a un débat en 1920 entre Chapelet qui pense que l'univers se réduit à la Voie lactée et Curtis qui pense au contraire, comme Kant, que il existerait d'autres univers îles, d'autres galaxies. Et donc c'est là que Bull, en 1923, va mesurer les distances des galaxies proches en utilisant les céphéides. Il va mesurer la distance de la galaxie d'Andromède. Sauf que il va observer effectivement des vrais céphides classiques de population 1, mais il va utiliser une relation qui est la relation de Chapelet basée sur les céphides de type 2. Donc il va se tromper d'un facteur 2 dans son estimation de la distance de la galaxie d'Andromède. Mais n'empêche que cette distance est tellement importante que l'on comprend qu'il existe d'autres galaxies, d'autres univers îles. Voilà. Oui, ce qui est effectivement la première confirmation par l'observation qu'il existe d'autres galaxies et que tout n'est pas compris à l'intérieur de notre Voie lactée. Du coup, on voit bien que petit à petit, correctif par correctif, Bull se corrige, mais Hertzsprung se trompe aussi d'un gros facteur, un facteur 50, je crois, au moment de justement en utilisant cette technique de la parallaxe statistique. Mais c'est ça. Oui, in fine, on arrive aujourd'hui à avoir, eh bien, pour le moment, la preuve que, eh bien, rapport entre la période de variation et la luminosité intrinsèque est fixe, que ces céphéides sont donc des chandelles standards. Elles sont des chandelles standards qui marchent dans une certaine mesure, elles ne marchent pas à toutes les distances et à toutes les échelles de distance de l'univers, Pierre Kervella. Oui, alors il y a une raison simplement, c'est que les céphéides ont beau être très brillantes, hein, ce sont des étoiles supergéantes, donc leur luminosité les rend visibles très loin. Mais c'est pas une luminosité infinie et donc on peut les voir seulement jusqu'à peut-être de l'ordre de quelques centaines de millions d'années-lumière, mais pas tellement plus loin. Donc on peut utiliser ces étoiles-là grâce au télescope spatial Hubble, hein, donc qui porte le nom évidemment de Hubble, mais Edwin Hubble. Mais on ne peut pas les observer à des distances de milliards d'années-lumière. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui limite leur application à la mesure de distance. La suite, si on veut voir plus loin, Nicolas Nardetto, ce sont ce qu'on appelle les supernovae de type IA. Alors, 1A. 1A, pardon, excuse-moi. C'est ça, exactement. C'est une naine blanche qui est accompagnée d'une géante rouge et qui va absorber partie de l'enveloppe de cette géante rouge. Et il se trouve que quand cette naine blanche dépasse une certaine masse, elle va exploser. Et cette explosion émet toujours la même quantité de lumière, même quantité de watts. Et c'est bien pour la raison pour laquelle ce sont d'autres indicateurs de distance. C'est un peu comme les céphéides. On sait combien de watts elles émettent. Sauf qu'il faut aussi étalonner ces indicateurs de distance. Et donc, on a une sorte d'échafaudage des échelles de distance dans l'univers. Le premier niveau, c'est qu'on étalonne la relation père-luminosité en déterminant la distance des céphéides dans notre galaxie, par exemple, avec la parallaxe trigonométrique, ou dans le LMC, en utilisant les binaires éclipses. Une fois qu'on a étalonné cette relation père-luminosité, il faut savoir qu'il y a 20 galaxies à 40 mégaparsecs, donc environ 100 millions d'années-lumière, 20 galaxies dans lesquelles il y a à la fois des céphéides classiques et à la fois des supernovas de type 1A. Mmh. Et c'est vraiment ça qui raccroche ces deux indicateurs de distance. Donc, grâce à ces 20 galaxies, on étalonne la relation des supernovas de type 1A. Mmh. Une fois qu'on l'a étalonné, on peut aller jusqu'à un redshift de 0. Enfin bref, on peut aller à 0 dans l'univers et on peut mesurer la constante de Hubble et c'est ça vraiment l'expansion de l'univers qu'on veut mesurer. Problème. Alors on en a déjà parlé puisqu'on a fait une émission entière sur la constante de Hubble, mais c'est tout de même intéressant maintenant qu'on comprend mieux comment eh bien on peut justement faire utiliser en tout cas de manière assez solide et assez certaine ces céphéides et ces chandelles standards au sens large pour calculer les distances, c'est qu'on obtient une certaine constante avec cette mesure là et on en obtient une autre avec une marge d'erreur trop importante pour que ce soit acceptable si on mesure la constante de Hubble avec le fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part avec les céphéides ou qu'on s'est trompé quelque part avec les chandelles standards, Pierre Kervella? Alors, c'est effectivement une possibilité et c'est l'objet actuellement de beaucoup d'attention de la part de la communauté des astrophysiciens, à la fois du côté d'ailleurs du fond diffus cosmologique, hein, qui obtient une valeur de la constante de Hubble autour de 67, donc kilomètres par seconde par mégaparsec, et d'un autre côté, la communauté des astrophysiciens utilisant des céphéides et des supernovae, qui trouve plutôt autour de 74 km par seconde par mégaparsec. Donc cette différence d'à peu près 10% entre les deux valeurs, elle commence à être très significative et on cherche la cause de cette différence. Alors la cause, elle peut être soit du côté donc des céphéides. Est-ce qu'on a un effet physique, donc qui peut être des enveloppes, qui peut être des phénomènes enveloppes de gaz, comme ce qu'on entendait tout à l'heure, des enveloppes de gaz, des choses qu'on n'a pas prises en compte dans notre mesure précise des distances. Ou alors elle peut être également du côté du fond diffus cosmologique, parce que la mesure qui est issue du fond diffus cosmologique n'est pas une mesure directe, c'est une mesure qui est extrapolée à partir d'un modèle qui est très solide, mais qui n'est peut-être pas infiniment solide. Mmh. Et on considère que cette différence, elle est particulièrement stimulante et intéressante parce que elle pourrait indiquer qu'on n'a pas tous les ingrédients dans notre modèle d'univers actuel. Et c'est ça qui rend cette tension, cette différence très très excitante. Voilà. Nicolas Nardetto, on va vous mettre, hein, bien sûr, comme d'habitude, un lien en tout cas vers l'émission que nous avions consacrée à la constante cosmologique. Un mot à ce propos, et peut-être plus du côté justement des céphéides et des chandelles standards. Qu'est-ce qui pourrait, pour conclure d'ailleurs, ne pas fonctionner? Qu'est-ce qu'on aurait pu rater potentiellement? Du côté des céphéides, pas grand chose, c'est les autres. Non, pas du tout. Non, justement, c'est vraiment ce à quoi on s'attache, c'est notre rôle de vraiment. Je pense qu'on a une expertise dans la compréhension de la physique des céphéides, au point de vue de la pulsation, de l'atmosphère, de l'environnement, à ce qu'a présenté Vincent Ondé. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment vérifier chaque étape. Et reprendre tous les calculs depuis le départ et chercher une faille dans notre raisonnement. Non, le raisonnement, il n'y en aura pas de faille, mais c'est plus de comprendre est-ce qu'on a loupé quelque chose du point de vue de la physique des céphéides. Et l'enveloppe est une possibilité. La métallicité en est une autre. On n'en a pas parlé de la métallicité. Non, on n'en a pas parlé. Il faudrait en dire un mot. Voilà. Pour expliquer en un mot, Nicolas Nardetto, pourquoi cette métallicité pourrait être importante? Eh bien, c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure, les céphéides de population 1 ou 2 ont des métallicités différentes. La métallicité pour nous, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hélium, l'hydrogène, l'hélium et après des métaux. Et ça peut vraiment affecter la luminosité de la céphéide. Donc par exemple, si la métallicité, nous on étalonne la relation périluminosité. Par exemple, dans notre Voie lactée, qui a une certaine métallicité, oui. Si on l'applique dans une galaxie lointaine qui aurait une autre métallicité et qui affecterait de manière globale la luminosité de toutes les céphéides, alors on pourrait avoir un biais. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est mesurer la distance dans tout un tas de galaxies qui ont des métallicités différentes, comparer les estimateurs de distance pour vérifier qu'on contrôle bien tout au point de vue de cette métallicité. Pierre Kervalin, un mot pour de conclusion? Oui, eh bien, écoutez, les céphéides, ce sont des objets qui sont fascinants depuis déjà assez longtemps, depuis déjà un siècle, mais on a vu qu'il y a quand même encore des choses qu'on ne comprend pas complètement, hein, qu'on n'a pas complètement sous contrôle, mais elles représentent quand même encore aujourd'hui le plus solide des étalons de distance empirique qu'on ait à disposition. Voilà. Merci en tout cas beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces céphéides et de ces chandelles standards. Merci Pierre Kervalin, merci Nicolas Nardetto, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Leguet-Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Hélène Trigueros à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain, eh bien, on change d'univers comme d'habitude, mercredi consacré aux nouvelles technologies et à la recherche fondamentale. Nous allons parler des liens entre l'intelligence artificielle et la santé, et notamment comment les algorithmes d'apprentissage assistés permettent de préciser les diagnostics médicaux, principalement en oncologie, et peuvent devenir des assistants précieux, peut-être jusqu'à remplacer complètement les médecins, en tout cas pour le diagnostic et pour les patients. Intelligence artificielle et santé, ce sera une émission en partenariat avec le magazine Chute, et ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.